France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. De sa découverte des États-Unis en 1969, Fela Kuti disait ceci. En Amérique, j'ai été exposée à l'histoire de l'Afrique dont je n'avais jamais entendu parler au Nigeria. C'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à comprendre que je n'avais jamais joué de musique africaine. J'avais utilisé le jazz pour jouer de la musique africaine, alors que j'aurais dû utiliser la musique africaine pour jouer du jazz. Ainsi, c'est l'Amérique qui m'a ramené à moi-même. Le musicien nigérian est mort en 1997 après une vie de lutte, d'excès et d'extravagance à la démesure de son talent. Inventeur de l'afrobeat, The Black President Fela est un mythe au Nigeria, dans toute l'Afrique et ailleurs. De l'hallucinante énergie de sa musique, il avait fait une arme de guerre contre le régime dictatorial et corrompu de son pays. Fela Anikulapo Kuti y gagna l'adulation de son peuple et partout le respect des insoumis. Cet engagement politique, il le paya de plusieurs séjours en prison, le plus souvent accompagné de sévices, avant de rendre les armes face au sida à 58 ans. En 1981, sur France Culture, Martin Messonnier et Bernard Treton consacraient une nuit magnétique à Fela Kuti, à sa musique et à son pays. Comrades, brothers and sisters, you are welcome to this great show at the inauguration of the Festival dell'Unità. And we are happy to be in Naples with many people like you, beautiful people like you. This is the first time that you are going to get a real experience of what we call the authentic African music, the Afrobeat. Bonsoir frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être ici pour vous présenter ce grand show au Festival de l'Unita et nous sommes très heureux également d'être avec des gens fantastiques comme vous. C'est la première fois que vous allez avoir l'occasion d'entendre de l'afrobeat. This is a moment of triumph as we bring our own solidarity with you in the struggle of the Africa 70 and the movement of the people to put an end to exploitation of man by man. Voici le moment de triomphe, comme nous amenons notre solidarité avec vous, nous, le mouvement des peuples et le groupe Africa 70 pour mettre une fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. I am going to tell you something very secret. The music of the black president is very electrifying. It's like a magnet and it's going to shock you all. So the leader of the Africa 70 has already introduced you so that nobody can collapse from this great show, from the big man that I'm going to call right now. Je vais vous dire un secret, la musique du Black President est magnétique et électrique, elle va vous choquer de façon très forte. Et je vais d'ailleurs appeler maintenant le grand homme qui va vous faire écouter cette musique. Now you are going to have the terrible and the greatest thing you have been waiting for, and it is coming from the black president, the chief priest, the leader of the new revolution in Africa for the great future to come. Vi chiamo adesso il leader del movimento del black president, il chief priest, il leader della Africa 70. And the great name you are waiting for, comrades, brothers and sisters, is Fela Anikulapo Kuti, here he comes. Thank you. down. Yeah. Okay. Right. Okay. Brothers and sisters, I'm going to start a blessing songs for you. I won't waste your time. Our music is revolution. Revolution is our music. La nostra musica è rivoluzione, la rivoluzione è la nostra musica. I'm going to play some songs, I'm going to play for you, which we call Cross-Examination of the African Colonial Soul. Calling you African people, this is an African court. Those who want to hear this court, please come and sit down. Calling you African people. De nombreux groupes de rock de la nouvelle vague, comme les Talking Heads, ne jurent que par lui. D'autres tentent de le piller. Des musiciens de jazz, tels Lester Bowie ou Don Cherry, le visitent, comme des musulmans vont à la Mecque. Pour tous, il est la nouvelle star que l'Afrique nous révèle. Il habite au Nigeria, le plus grand et le plus riche pays du continent, dans la ville de Lagos, ville des pirates et des multimillionnaires, mégapole d'Afrique, un gigantesque taudis de 10 millions d'habitants où les scandales ne se comptent plus. Fela y règne en roi des pauvres, dans son quartier Calcutta République, mais pas sans mal. Ses chansons, véritables pamphlets contre le gouvernement et les super-riches qui l'attaquent directement, lui ont donné un statut d'empêcheur de tourner en rond et surtout des ennemis implacables. Il est l'homme à abattre, celui que les masses populaires du pays et de nombreux pays d'Afrique ont nommé The Black President. Je suis plus connu que le président du Nigeria, dit-il fièrement. Il a frôlé la mort des dizaines de fois dans son pays, comme au Ghana, où il a été exilé un an. Des endroits où on n'hésite pas sur les moyens pour régler ses comptes. Toute son histoire en fait un personnage de légende. Il change de nom en 77 avec sa mère, célèbre syndicaliste pour passer de Fela Ransom Kuti à Fela Anikulapo Kuti. Un vieux nom royal qui signifie que le chasseur qui porte la mort dans sa gypsière est protégé par ses amulettes. Fela est animiste, de la religion Ifa, et croit à la magie. Mais il semblerait qu'il s'attache à cette croyance que pour mieux se défendre contre les musulmans et les chrétiens. Marié à 27 femmes, il ne se déplace jamais sans 70 personnes. Une cour des miracles africaine. Il a enregistré près de 50 albums qui sont quasiment introuvables ici. C'est à Naples, en septembre dernier, que nous l'avons rencontré. great wise chief of Sergeant Folk to love. Everything to love. Everything to love. Great wise chief. Kantamanto. Obronisuro. Okukuseku. Kwame Nkrumah is the judge. Call the African people, it's not the call. That's what he has come to come and say now. Call the African people. Vous êtes spécialiste des affaires africaines. Vous avez rencontré Fela Ransom Kuti ? Oui, c'était au Festival de Lagos, où j'étais d'ailleurs pour France Culture, parce que France Culture était la seule chaîne de la radio nationale qui s'intéressait au Festival mondial des arts nègres. C'était le deuxième Festival mondial des arts nègres. C'était, si je ne me trompe, aux alentours de 77, ouais. C'est ça. Et vous êtes allé là-bas avant que le shrine et que la maison de Fela soient détruits. Exactement, j'ai vu la première maison de Fela avant que les chars de la police nigériane interviennent pour... Ça s'appelait la République de Calcutta, si je me souviens bien. C'était une maison qui était située dans un quartier assez périphérique, assez éloigné de ce qu'on appelle le festival officiel, auquel Fela d'ailleurs n'avait pas voulu participer pour des raisons politiques. Et c'était une petite maison blanche, entourée de barbelés. Je me souviens que dans la cour... Électrifiée, exact. Et dans la cour, il y avait un âne. Ça m'avait beaucoup frappé. Alors d'abord, j'ai eu pas mal de difficultés pour rentrer. Bon, parce que j'étais blanc, tout bêtement. Et puis, on a commencé. D'abord, la première fois, je ne sais même pas s'il m'adressait la parole. Je me souviens qu'il y avait un espèce de salon avec des canapés. Et toutes les femmes qui dormaient dedans. Ouais, puis il y avait un type qui avait un costume et une cravate qui m'a dit qu'il était son impresario, un jeune gars. Puis il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de fumée. Il y avait beaucoup de bruit parce que il y avait une chaîne avec Le disque de Fela qui passe à toute, ouais, exact. Toute la journée. Exact. Et alors, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que les toilettes donnaient directement sur le salon. Ça m'avait frappé parce que c'était la première fois, en tout cas, que ça m'arrivait de discuter avec un type qui était installé sur les toilettes. Mais là, ça m'est arrivé. Et Fela était assis sur les toilettes et il discutait avec les gens. Ouais, ça m'étonne. Oui, ça m'étonne pas du tout, Fela. Pour moi, Lagos, c'est la capitale de la violence. J'ai jamais vu nulle part une ville aussi violente. Une anecdote, j'étais venu en voiture depuis Cotonou. Ça fait à peu près 200 kilomètres. Mm-hmm. Bon, alors d'abord, pour arriver de Cotonou, il y a une multitude de barrages, des contrôles de l'armée, de la police, enfin, etc. Oui, etc. Faut dire que quand vous étiez, c'était sous la dictature militaire. Oui, c'est ça. Et alors d'abord... À quelques 10 kilomètres de Lagos, on est déjà coincé par les embouteillages, ce qu'on appelle les Goslos. Les Goslos, ouais. Hein. Fela fait une chanson là-dessus. Voilà. Et puis je me souviens qu'on m'avait donné comme conseil, alors que j'ai quand même réussi à arriver jusqu'à mon hôtel, on m'a donné comme conseil de ne pas laisser traîner mon bras en dehors de la portière malgré la chaleur, parce qu'il paraît que la spécialité des Nigérians, moi personnellement ça m'est pas arrivé, mais enfin on m'a dit ça, c'était de piquer les montres aux poignets des conducteurs. En tout cas, ce que j'ai fait, ça je peux vous le certifier, c'est que j'ai ramené, c'était une R4, ma voiture de location, le toit était complètement gondolé, parce que dans les Goslos, la grosse plaisanterie, c'est de donner des coups de poing sur la tôle, bon, si bien que j'ai ramené une voiture qui était complètement gondolée. We shall speak English for Ma mère était une femme, une maîtresse de maison, un professeur. Elle était membre de ce qu'elle appelait elle-même la société des ladies. Elle est restée comme ça pendant très longtemps, une femme normale. Mais je me souviens un jour, alors qu'elle était assise à la maison, des femmes vinrent la visiter pour se plaindre que de la police du gouvernement était venue au marché, des gens des taxes. Ils voulaient les taxer sur ce qu'elles vendaient. Elle souffrait et elle demandait si elle aurait pu faire quelque chose pour les aider. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans la politique. Elle s'est levée de sa chaise et est allée au marché avec elle. Elle vit exactement ce qui se passait. C'est de ce point-là qu'elle commença à organiser les femmes de ma ville. Ce fut un mouvement très puissant. Toutes les femmes s'y joignent, toutes les femmes du marché. Et de là, elle étendit son mouvement au pays tout entier. Elle était très directe dans ses protestations et ses attaques du gouvernement. Et elle était très honnête à ce que j'ai vu. Elle est simplement connue pour sa participation active, mais elle n'a jamais terminé au Parlement. À chaque fois qu'elle allait au Parlement, elle devait se battre contre son propre parti. Elle était affiliée à un parti appelé le NCNC. Elle me disait toujours combien ces gens étaient corrompus. J'avais à ce moment-là 16 ans ou 17 ans. En regardant maintenant, j'étais intéressé comme elle agissait en tant que ma mère. Je m'intéressais à ce qu'elle faisait, je voulais qu'elle réussisse. Je n'ai jamais demandé à mes frères ce qu'ils en pensaient. À ce moment-là, j'étais très proche d'elle, de ses campagnes. J'étais très jeune. Quand j'avais 14 ans, j'aimais conduire et à 15 ans, elle m'autorisait à conduire. Je n'avais pas de permis, mais elle m'autorisait à conduire. Et à cause de ça, je l'emmenais partout. C'était peut-être pour ça que j'étais si proche d'elle à ce moment-là. Et de ses manœuvres politiques. Elle n'a jamais été reconnue des gens du Nigeria. Probablement parce que c'était une femme. Et les Africains ne donnent pas la reconnaissance facilement à une femme. Mais elle a eu une reconnaissance internationale. Elle a été le sixième vice-président du WIDF, le Women International Democratic Federation. Je ne sais pas si cette organisation fonctionne encore, mais ils étaient basés à Moscou, quelque part comme ça. Elle a été partout, en Angleterre, en France, et à Moscou. À cette époque, le Nigeria était encore sous la domination anglaise. Et elle fut invitée en Chine pour rencontrer Mao. Dès son retour, le gouvernement anglais lui a saisi son passeport pour 5 ans. Quand j'étais en Angleterre comme étudiant, elle ne pouvait pas me visiter jusqu'à ce qu'un temps très tard, parce qu'on lui avait saisi son passeport. Mais elle est très connue au Nigeria. Notre nom est très connu. Elle est connue sous le nom de Ransom Kuti. Je dirais même qu'elle a jeté les fondations sur lesquelles je travaille maintenant. Elle a laissé le nom aussi. Vous savez, ma famille, les Ransom Kuti, nous sommes connue pour être une famille politique. Voici un morceau typique de Fela Ransom Kuti ou Fela Nicola Pukuti. La construction musicale est assez simple. Fela introduit le morceau avec son saxophone et puis suit son chant et après il finit au piano. Il y aura un solo de trompette après le solo de saxophone. Colo mentality. If you say you be gonna be a man, you don't be slaving before. They don't release you now, but you never release yourself. I say you fit in, never release yourself. Colo mentality. If you say you be colonial man, you don't be slaving before. They don't release you now, but you never release yourself. If so, them they do, them they overdo all the things that them they do. If so, them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do. If so, them they do, them they think is that they better pass them, brother. If so, them they do, them they think is that they better pass them, brother. If so, the thing with black no good, the foreign things them they like it. If so, the thing with black no good. Now foreign things, them they like it not be so. It be so. Them go turn in a condition and close them country away not be so. It be so. Them go turn in a condition and close them country away not be so. It be so. Them judge him go cocky weak and jail him brother away not be so. It be so. Them judge him go put him weak and jail him brother away not be so. It be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading of the soul. It be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading of the soul. It be so. Colour mentality now make you hear me now. It's a ransom it make you hear. It's a Williams it make you hear. It's a Aliyah it make you hear. It's a Mohammed it make you hear. It's a Anglican it make you hear. Bishop, you make me hear. It's a Catholic, you make me hear. It's a Muslim, you make me hear. The Africa, we never make me hear. The Africa, we never make me hear. Colour mentality, colour mentality. It's a ransom, you make me hear. It's a ransom, you make me hear. The Africa, we never make me hear. Colour mentality. Mais c'est un pays qui a beaucoup de pétrole, excessivement industrialisé. Bon, ce qui est frappant quand on va là-bas, c'est qu'il y a des chantiers partout. Moi, je me souviens, par exemple, avoir atterri, il n'y a pas tellement longtemps, à Kano, dans le Nord, où on était en train de construire un énorme aéroport. C'est là où il y a eu la révolte musulmane. C'est ça, il y a eu les émeutes, ouais, qu'on a dit, d'ailleurs, bon, être soutenu par la Libye. Bon, c'est un énorme aéroport, où assis à côté, c'est presque de la rigolade. C'est énorme, parce que bon, c'est un pays qui est appelé à se développer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça devient une puissance d'abord économique. Évidemment, à cause de sa richesse, ça va certainement devenir une puissance politique. Et puis, bon, compte tenu du fait qu'il y a eu une guerre civile, il y a une armée qui est relativement pléthorique par rapport aux pays voisins. Mmh. Compte tenu également de la masse de la population, bon, c'est une armée puissante. Donc, sur le plan militaire, ce sera également une très, très forte puissance. Voilà. Si vous deviez comparer le Cameroun et le Nigeria. Alors, c'est aucune comparaison possible. Absolument aucune comparaison possible. Je crois que le Sauf sur le plan géographique, quoi. Parce que c'est comme dans tous ces pays-là. Bon, il y a une partie sahélienne, bon, qui est notamment habitée par les Haoussa, qui sont de religion musulmane et qui sont des gens qui sont plus ou moins des nomades, qui sont des éleveurs de bœufs, qui vendent beaucoup à l'extérieur, qui sont des commerçants, etc. Et puis, il y a une autre population qui est ce qu'on appelle l'Afrique de la forêt, qui vient de l'Afrique de la forêt, qui est celle qui borde l'océan Atlantique. Mais ce qu'il faut dire aussi sur le plan historique, c'est que, bon, au Nigeria, et ça compte en Afrique, parce qu'il y a ce fameux retour à l'authenticité qui frappe quand même tout le monde. Et dont Fela se fait le défenseur. Oui, tout à fait. Bon, il y a eu un empire Igbo, bon, qui a été très très puissant, qui a marqué énormément l'histoire du Moyen-Âge africain, disons jusqu'au 19e siècle, avec une culture très développée, tout un tas de royaumes très développés, beaucoup de sculptures, enfin de très très riches choses sur le plan artistique. Bon, ça, je crois que c'est une des particularités du Nigeria. Et face à ça, on se retrouve avec une mégapole de 10 millions d'habitants. Voilà, énorme. Qui se développe comme un cancer. Quoi. Sur des îles, ce qui est frappant. Sur des îles, et des marécages. Exact, ouais. Avec des ponts partout et des embouteillages incroyables. Alors moi, ça, c'est encore une anecdote. Moi, je me souviens très bien que quand je suis venu pour le Festac, c'était les Brésiliens qui construisaient les routes. Et ça, je l'ai vu de mes yeux vus. On avait annoncé à la radio 8 jours auparavant que les travaux publics brésiliens allaient tracer une autoroute. Et le matin du début des travaux, les gens n'avaient pas encore évacué les bidonvilles. Alors la police est arrivée avec des haut-parleurs et a donné 3 heures aux gens pour évacuer les lieux, puisqu'ils avaient déjà été prévenus, paraît-il. Et effectivement, 3 heures après, les bulldozers sont entrés en action. Il y avait encore des gens qui n'avaient pas fini de déballer leurs affaires à l'intérieur des baraquements et hop, tout était parti en fumée. Et on a commencé les travaux immédiatement. Ça aussi, c'est un signe de violence. To tell you a story. Nami story, yo. I want to tell you a story. Nami story, yo. Nami story. At all. Very, very at all. Very, very at all. They say Nami story, yo. The thing where you need them to tell us now. I want to tell you a story. Nami story, yo. I want to tell you a story. Nami story, yo. Where till you be, yo? Ah. Ibi dance. Where till you be, yo? Oh. Ibi dance. Tell me where till then they call him. Open and close. Tell me where till then they call him. Open and close. Put your leg and arm together. Open and close. Put your leg and arm together. Black man, open and close. Bend your ass like black man, open and close. Open and close, yeah. Open and close. Open and close. Open and close. Oh, I want to show you how to do open and close. All you have to do. Just open your arms and legs at the same time and close your legs and arms at the same time to the beat. Like this. Open, close, open, close, open, close, open, close, open and close, open. open and close, open and close, open. I want to tell you a story. Nami story, oh. I want to tell you a story. Nami story, oh. Where to be, yo? He be dance. Where to be, yo? He be dance. Tell me waiting, then they call her. Open and close. Tell me waiting, then they call her. Open and close. Put your leg on them together. Open and close. Throw your leg on them away. Open and close. Then your yash like black man. Open and close. Alors, je suis allée aux États-Unis en 1969 en Amérique. J'avais emmené mon groupe là-bas. Ce qui m'a vraiment sidéré lorsque je suis arrivée à New York, quand j'ai vraiment vu New York, ce que j'ai vraiment vu là m'a rendu politisée. New York était tellement grand, hein. L'Amérique, New York, époustouflant, trop. C'était so overpoweringly big. It made me feel like a cockroach. Ça me faisait me sentir ridicule. When you see magnificence and tu vois tellement une grandeur. Et je pensais, mais nos leaders sont venus ici. N'ont-ils absolument rien vu? J'avais jamais cru que je verrais quelque chose qui aussi bien longtemps. Et quand j'ai vu New York, et que j'ai pensé à mon petit village, et je repensais, les leaders ont vu et n'ont jamais réagi. Pourquoi? Ça me sidérait. You had contacts with people there like Black Panthers or not yet. Non, j'avais encore jamais rencontré les Black Panthers. My first feeling of seeing New York. D'abord, ma première chose c'était New York. Then I had to stay in America for 10 months. Ensuite, j'ai dû rester aux États-Unis pour 10 mois. C'était pas prévu, je pensais rester que 3 mois. Mais mon pote Johnny m'a emmené à Los Angeles. Los Angeles. By road. Par la route. J'avais pas de fric pour prendre l'avion. Et quand tu voyages par la route, tu vois vraiment beaucoup. L'Américain m'a complètement soufflé l'esprit. Je ne pouvais plus parler à personne. Je ne pouvais pas vraiment participer à ce qui se passait. Ma connaissance se trouvait même plus là. Et j'ai vu ce qui s'était passé par rapport à mon éducation et que je retrouvais aussi aux États-Unis. J'avais perdu totalement la connaissance. Ça venait de mon éducation. Une éducation vraiment sauvagement méchante. Et alors je suis arrivé à Los Angeles. C'est là où étaient les Black Panthers. J'ai jamais eu de contact vraiment avec eux, mais j'avais une amie qui faisait partie des Black Panthers. Elle parlait comme ça, mais pas vraiment politiquement au départ. Un jour, alors qu'on regardait un programme à la télé, elle passait un moment où les flics se faisaient botter les fesses. Et elle me dit, ouais. J'ai botté les fesses des policiers et la télé était là. Quoi ? Tu as fait ça ? Tu t'es fait arrêter ? Quoi ? T'as fait ça ? C'était vraiment impensable pour moi qu'une femme puisse faire ça. J'imaginais en Afrique une femme battant les fesses des flics. À partir de ce moment-là, j'ai adhéré au mouvement. Elle m'a vraiment branché. C'était mon éducateur. Elle a commencé à me parler de l'histoire de l'Afrique. Pas le genre de même histoire qu'on apprend à l'école au Niger, qui commence simplement à Mungo Park. Avant, rien. That's how we start us with history in our schools. You know, they never give us before. So she was telling me history. Donc elle me parlait de l'histoire de l'Afrique. Je lisais beaucoup de livres. Et je me disais, l'Afrique est vraiment quelque chose à part. This one really. Avec une tradition. Je découvrais tellement que je me disais que je pourrais en mourir. La chose ensuite qui s'est passée, c'est que la tournée de mon groupe ne marchait vraiment pas. Pour différentes raisons. D'abord, j'avais pas de visa. Et de toute façon, à chaque fois qu'on présentait des musiciens africains, ils ne voulaient absolument pas nous entendre. C'était une réaction de force contre les Africains. Au moins, ils auraient pu dire, laissons voir ce qu'ils peuvent faire. Quels sont les musiciens américains que tu rencontrais ? Non, ce n'est pas simplement des musiciens dont je parle. Je parle des maisons de disques, des producteurs. Je suis allé partout. Enfin, moi, aux États-Unis, j'ai pas vu de disque de lui. Hein, mais il faut dire que j'ai pas... Fela n'est pas du tout connu aux États-Unis. En fait, les pays où il est le plus représentatif et le plus, où on l'entend le plus, c'est la France, c'est un. Le deuxième, c'est l'Italie. Il y a l'Angleterre où il est très connu. La Belgique aussi. Et aussi l'Allemagne à cause de ce fameux show de Berlin qui a fait scandale. Alors, ce qui était quand même assez curieux, c'était que bon, le palais du festival était gardé par les chars. Pour rentrer, alors il y avait des chiens policiers partout. Alors le premier jour, parce que je suis arrivé en retard comme d'habitude, et le premier jour, alors la première manifestation au palais, c'était dans un stade, et chaque pays devait défiler au son d'une musique martiale un peu. Et bon, j'arrive en retard, j'avais pas d'accréditation, etc. Et je me rappelle, j'avais une veste saharienne avec quatre poches serrées par une ceinture, dans laquelle j'avais foutu tous mes papiers, mon argent, etc. Et bon, j'arrive dans ce stade, et comme partout en Afrique, il y avait une multitude de gosses, des centaines de gosses, il y avait un espèce de no man's land, et puis derrière, il y avait des policiers avec des chiens policiers et des matraques. Alors, comme j'étais en retard, je traverse la foule des gosses, et puis d'un seul... Bon, alors, vraiment une pression comme dans un aquarium, quoi, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, et puis j'arrive dans l'espèce de no man's land, et d'un seul coup, je me rends compte que j'ai été allégé de quelques grammes, c'était tous mes papiers qui avaient disparu, quoi. Et je fais juste le geste de remonter les mains vers mes poches, et immédiatement, les flics ont lâché les chiens policiers, les gosses se sont enfuis à toutes jambes, et par terre, il y avait tous mes papiers et tout mon fric. Bon, et alors, je réussis à rentrer dans le stade, et bon, je m'installe à la tribune de presse, parce que j'avais quand même réussi à me laisser passer dans l'intervalle. Et puis, la cérémonie commence, et on voyait des types descendre complètement du haut du stade, quoi. Il y a eu 3 morts ce jour-là parce que il y avait des types qui étaient rentrés comme partout en Afrique sans laisser passer, qui s'étaient débrouillés, combines et compagnie, qui étaient montés au plus haut du stade, et il y avait des rondes de flics avec des matraques. Ils les jetaient là-haut. Il y a eu 3 morts. Oui, c'est ça. C'est ce que Fela disait, que cette pièce. Enfin, c'était complètement fou. Festac était d'une violence. Ah oui, incroyable. Moi, pour moi, c'est vraiment la ville la plus violente que j'ai jamais vue. Il y a eu une grande soirée à cette époque-là, donc juste à la fin du Festac, où Fela réunit dans son club, exact, au Shrine, tous les grands artistes, dont exact. Myriam Makeba, Stevie Wonder, exact. Et tout ça. Il y a un film qui existe ça, mais la bande a été brûlée dans l'incendie de Calcutta. Ouais, non, bah ça. Alors moi, je me rappelle, j'y étais. Parce que en fait, bon, dans un premier temps, Fela voulait absolument rien connaître. Avoir affaire du Festac. Oui, oui, même aux gens qui participaient au Festac. À cause de la dépense d'argent ridicule. Voilà. Et puis alors, il s'est passé un truc quand même assez extraordinaire, et c'était moi la raison pour laquelle j'avais été, c'est que bon, finalement, il y a eu carrément un festival parallèle. C'est-à-dire que tous les gens qui venaient, au festival voulait absolument rencontrer Fela. Alors moi, bon, bêtement, je dois dire tout simplement, d'ailleurs je crois que j'étais vraiment pas le seul Français dans ce cas-là, à ce moment-là, je ne connaissais absolument pas Fela. J'avais jamais entendu parler de Fela. Bon, d'ailleurs, le seul journaliste qui connaissait Fela, c'était... Un Belge. Bon, et, bon et, c'était extraordinaire, oui. Quoi. Quand j'ai d'abord entendu la musique, parce qu'en France, à ce moment-là, il n'y avait pas de disque. D'ailleurs, On l'a diffusé sur France Musique. Oui, non, sur France Musique, mais je me souviens, j'avais fait une émission même sur France Musique la nuit. Mais alors, même, il y a un gars qui m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, on m'a piqué mes disques de Fela. Ça doit être terrible. Ouais. Alors justement, j'ai été les chercher dans un magasin spécialisé des Champs-Élysées. Et on m'a dit, mais vous connaissez Fela ? C'était récent, c'était il y a 4-5 mois. Donc, je veux dire qu'en 77, c'était... Ah oui, c'était pas grand-chose. Voilà. Alors donc, ce festival, oui, je m'en souviens, il y avait Myriam Makeba, il y avait Stevie Wonder. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, bon, il y avait tous les autres artistes qui participaient, hein, qui n'étaient pas obligatoirement des musiciens. Il y avait des réalisateurs de films, il y avait... Parce qu'il réussissait à regrouper autour de lui tous les gens, en fait, finalement... Bon, rapidement, le point d'intérêt du Festac, ça a c'est été devenu Fela. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est ça qui a mis le feu aux poudres et qui a fait que les soldats sont venus détruire Calcutta la semaine voilà, après. Voilà, c'est ça. Enfin, un peu après, un peu plus tard. Hein, c'est... C'est en Amérique que j'ai pris vraiment confiance que j'étais un Africain. Ma sonorité africaine, ma conscience africaine. C'était un peu superficiel, mais c'était un début. C'est comme ça que j'ai pensé. Comment vais-je faire ? Et alors j'ai commencé à chercher le rythme. Et quel rythme je vais prendre ? Je me suis rappelé à ce moment-là un type à Londres qui jouait de la musique africaine. Un vieux type qui s'appelait Ambrose Campbell. Il est très vieux, il est en Amérique maintenant. Now this guy has rhythm like this, dum dum dum dum dum. This rhythm was just like that in his music. So now let me write on this rhythm. Ce type avait un rythme très particulier. Et je me suis dit, je vais écrire sur ce rythme. Et j'ai écrit ma première chanson sur là-dessus, en essayant de penser africain. In America at that time, because I had never thought of that before in my life. But it was the beginning, you know. C'était un début. It was a start to a new thought in my mind, you know. So really, America gave me all this. L'Amérique m'a donné tout ça. So when I went back home, et quand je suis rentré à la maison, it was quite easy for me now to coordinate my thoughts and start again. Je pensais de façon plus simple. Where I was coming from. How did you organize yourself when you arrived back home? Like, how did I was born Calcutta? Comment t'es-tu organisé en arrivant et comment est né Calcutta? Ah. Little by little. I didn't set up Calcutta as a plan. Je ne l'ai pas organisé comme un plan. Now, c'est arrivé comme ça. My house was not Calcutta. Ma maison n'était pas Calcutta à ce moment-là. Number 14 A Agegumotu Road, you know. À ce moment-là, c'était le 14 de la rue Amadougou. You see, as a matter of fact, in my thoughts in America too. Dans mes pensées en Amérique, je ne voyais aucune opposition à mon succès à la maison. Je pensais que tous les Africains, tout Africain qui pense ça, ça devrait marcher. Non, je ne pense pas. Nkrumah has been doing it. Because otherwise, people have been thinking like that. Nkrumah has been thinking like that, but he didn't use music as such. Nkrumah avait pensé un petit peu comme ça, mais il n'utilisait pas la musique. To put this African idea across to people, it will be easier. Pour mettre ces idées africaines près du gens. That was the right media. Yes. et la musique était mon média. Mais je ne savais pas que j'irais vers tant de problèmes. Maybe if I knew it was going to start a lot of trouble, I would have shelved the idea. Si j'avais su, maybe j'aurais été vers autant de problèmes, peut-être que j'aurais fait tout à fait autre chose. I didn't know it was going to start a lot of trouble. I thought it was going to be an easy expression walkover. Je pensais que j'aurais eu un succès tranquille et une expression facile. Wasn't easy. Mais quand je suis arrivé, c'était pas facile. When the music started to be popular, it was attacks from government. Mes chansons étaient des attaques du gouvernement. Yeah, thank you. See. I didn't know the government was trying to attack me. Et je pensais pas que le gouvernement commencerait à m'attaquer. Ils ont commencé à faire des problèmes. La police commence à dire que je ne pouvais plus jouer dans le club. Alors j'ai dit, pourquoi? Alors, ils ont essayé de m'empêcher de rentrer. Je chantais des chansons genre L'Afrique achetée. No, Yoruku was not a real lady. I was singing Lady. Une chanson qui s'appelle Lady. African Lady, one of those things. Oh, a long time. I've singing Lady a long time. Lady is not a new song. That was, c'est une vieille chanson, ouais. Yes, one of the very few ones that I was. And then at aussi the time where your I mean, Lady's been a hit. Oh, at that time. So at that time, that when Lady began, or? No, see, Lady became a hit. Then Lady devint un hit à ce moment-là. I sang White Black Man, The Surfer. Il y avait aussi une chanson qui s'appelait L'homme blanc et noir qui souffre, ou le noir blanc qui souffre. I didn't know that the government already, you know, pinpointed, you know, because they didn't show. Je ne comprenais pas que c'était le gouvernement qui m'attaquait parce qu'il se montrait pas. Il faisait des pressions sur le directeur du club. Mais personne ne pouvait m'empêcher de rien faire. Parce que j'ai emmené la police en procès. Et la cour a jugé que la police ne pouvait pas m'empêcher de jouer. Parce que c'était mon club. J'étais, comme je, en jouant là, j'étais pratiquement copropriétaire. So it was an arrangement of a co-participation. C'était une coparticipation. Et légalement, ils ne pouvaient rien faire contre moi. It was called Shrine. C'était le premier Shrine. It was the first Shrine. Yes. The first place I played before was called Afro Spot. Le premier endroit où j'ai joué avant s'appelait Afro Spot à Lagos. But then I changed it to Shrine because the Shrine was more. Mais j'ai changé pour le Shrine parce que c'était un endroit plus grand. At this time, it's like, I suppose that if the police and the government try to beat you at that time, is I suppose it's because you had like plenty of people coming. Exactly. Il y avait sûrement beaucoup de gens pour que la police et le gouvernement vous embêtent comme ça. Yeah, but I didn't know it was the competition from government. I just thought. Je savais pas que les ennuis venaient du gouvernement. Je pensais que c'était juste des problèmes par rapport à moi-même. Mais même la cour ne comprenait pas ce qui se passait dans les procès. C'était vraiment curieux. Le propriétaire, c'était en 73. 73. So then you. Then what? Then they let loose a little bit. Let loose. Then I was growing. Mais à ce moment-là, je grandissais vraiment. Get more popular, you know. Je devenais de plus en plus populaire. No, I was playing Lagos. I mean, Lagos is Nigeria. Uniquement à Lagos. You were at the Shrine. Yes, and if you're happening in Lagos, you're happening in Nigeria. Au Shrine. You don't have to tell Nigeria to happen because the press will always carry your story. Everybody will know you carry records and things, you know. There's no place to really play in Nigeria, as a matter of fact, all over, you know. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut faire des concerts au Nigeria. Thank you. me rappelle que bon, là, moi j'avais fait à ce moment-là une interview. Et alors c'était extraordinaire parce que c'est, bon, c'était pour la radio, quoi. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait rien. Et il avait réuni toutes ces femmes, super maquillées, extraordinairement bien habillées, superbes, superbes, très très très belles. Et alors, bon, moi il n'y avait pas de place pour moi, quoi. Alors j'étais obligé de me foutre carrément à genoux avec mon agra pour enregistrer. Et alors c'était très très théâtral, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. En fait, ça aurait été très très bien pour une émission de télévision, mais pour la radio, ça n'avait pas beaucoup de sens, quoi. C'était complètement surréaliste. Et l'interview était intéressante? Bah, comme d'habitude, Fela raconte toujours des choses intéressantes. C'était très politique à l'époque, je me souviens, c'était le pouvoir noir, toujours des références à Nkrumah, Black Power ceci, Black Power cela. Il avait toujours des jeunes qui l'entouraient, qui parlaient politique. C'était très très raciste même vis-à-vis des Blancs. Il nous prenait carrément pour les Charlots. Hein. Ah, il semblerait qu'il a changé puisqu'il prend une ouverture beaucoup plus grande par rapport aux Blancs. Et il parle des Italiens comme étant presque des Noirs. Enfin, c'est intéressant. À ce moment-là, il n'était absolument pas question, je me souviens très très bien parce que je lui avais posé la question, il était hors de question qu'il vienne donner des concerts en Europe. Ça, je crois qu'il avait été donné un concert une fois en Angleterre, il y a très très longtemps. Mais à l'époque, non, il jouait en Angleterre parce qu'il était en Angleterre. C'est ça, voilà. Mais moi, il m'avait dit, il est hors de question que j'aille en Europe. Mon peuple, c'est le peuple noir, etc. Il a bien changé d'avis depuis. Ce qui m'avait frappé, bon, c'est qu'il d'abord, sa République de Calcutta, elle était contre tous les pouvoirs. Quoi. Bon, il y avait déjà eu des histoires, des concerts qu'il avait donnés dans le nord du Nigeria, où il y avait eu des bagarres avec la police qui avait arrêté les cars. Alors, il racontait ça, il racontait comment il s'était joué de la police, quoi, en expliquant qu'il avait envoyé plusieurs, parce qu'il avait beaucoup d'argent à l'époque. Je sais pas. Il était très riche. Il semblerait qu'à l'époque, il vendait de. Enfin, j'ai eu l'occasion de savoir qu'il avait reçu une avance de royalty sur ses disques qui était de 800 millions de dollars, de 800 000 dollars, excusez, ce qui correspond à peu près à 1 million de disques vendus sur le territoire nigérian où on considère qu'il y a 90% de disques pirates, ce qui correspond à un marché absolument colossal. Mais le problème de la police, ça l'amusait énormément et bon, pour en revenir à l'argent, il devait avoir beaucoup d'argent parce qu'il m'avait expliqué que il y avait des bus pirates où il n'y avait pas de musiciens, mais où il envoyait des jeunes gars à lui à l'intérieur qui se faisaient arrêter par la police. Et pendant que les types étaient arrêtés par la police dans un car, craquent par une autre route, ils en envoyaient un autre. Enfin, c'était des véritables opérations militaires pour éviter les contrôles et tout, arriver jusqu'à l'endroit où il allait son concert. Voilà ce qu'il m'avait raconté. Oui, allez, mais je crois que la situation a bien changé depuis. Il est beaucoup plus. Mais il s'est présenté aux élections, je crois. Il s'est présenté, mais il a été refusé au. Enfin, ils ont refusé sa participation et surtout l'enregistrement de son parti. Ça s'appelle le Movement of the People. Et depuis, il se représente en 83. Et c'est bien pour ça qu'il essaie de s'ouvrir le marché en Europe et aux États-Unis de façon à pouvoir attaquer la politique par l'extérieur. Voici un des morceaux les plus émouvants que Fela ait jamais écrit. C'est un morceau qui est dédié à sa mère et surtout au jour où les soldats inconnus ont brûlé sa maison. Et il raconte comment les soldats ont violé ses femmes et jeté sa mère par la fenêtre. Fela explique qu'il est dans sa maison avec sa mère et son frère et tous ses amis sont là. Wait and see. Make you not go anywhere, just wait in there, make I tell you something. Fella, you don't come again. I never come again, I still live there far away. Make you wait till I reach where I did go. Happen for my country. Now big, big thing. First time in the whole world. If you hear the name, you go know. Government magic. Tell me the name now. Government magic. Them go da baru everything. Them matches. Jet, right, jet, right, jet, right, jet. Then again, standardies. Fella de for house, Becca de dia too. Them mama de dia too. Beautiful people de dia too. Frenchman de dia too. Press man de dia to 150 of us de dia to. Then suddenly. Les mitrailleuses rentrent en action. They steal, yes, them they loot, yes, them they fuck. Some of the women by force, yes, them they rape, yes, them they burn, yes, them they burn, yes, them they burn, yes, them come out. One student's eye, yes, them break some head, them break some head, them throw. Et Fela raconte comment les soldats ont jeté sa mère par la fenêtre. Sa mère politique, sa mère idéologique, sa mère qui avait beaucoup d'influence. Inside jail, we dey wait 27 days. Them lock us. Press they shout, radio they ring. People they talk. Them go on fella house. Waiting this fella do. This girl government about you. Waiting this fella do. Fella talk about soldiers flogging civilians. Après l'incendie et la destruction de sa maison, Fela a été exilé un an au Ghana. Puis il est revenu et le 30 septembre 79, il a été mettre le cercueil de sa mère sur le pas de la porte du général Obasanjo, qui était à l'époque où, de la destruction de Calcutta, le président du gouvernement. Government bring instruments of magic, them bring inquiry, them bring two men, one soldier, one justice. The name of justice, Mr. Justice Aguaya. The other justice, Mr. Justice Dosumu. Then start magic, then seize my house, where they don't burn. Them seize my land, them drive all the people we live in area. 2,000 citizens, them make them all homeless now. Then start magic, then start magic. Them bring flame, them bring hat, then conjure. Them bring rabbit, them bring egg, them bring smoke. Them they scream, them they fall, them conjure. Spirit catch them, them they fall, them they scream, them they shout, them they say, unknown soldier, 9-2-1. C'était une émission sur Fela Anicula Pocuti. Elle a été réalisée avec l'aide de Jean Prisot, Françoise Lefebvre, Bernard Treton, Vivienne Goldman, Yves Loiseau et Martin Messonnier. Nuit magnétique, bonsoir. Cette émission a été diffusée la première fois le 19 janvier 1981 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. 1, 2, 3, 4, I see injustice in the form of government and them nonsense policies. Marxism, socialism, call it what you want. Capitalism and now the same oppression day. Injustice, misuse of power, and now them specialty. Always pretending that they will do harm the human race. 1, 2, 3, 4, waiting them, they're waiting for. 5, 6, 7, 8, them no no state and no merit. 1, 2, 3, 4, waiting them, they're waiting for. 5, 6, 7, 8, them just they waste our life. Before them get to power, them go, they make promises. When they get the power, them go start them conspiracy. Them go, they go for us, them go, they post us. Now you see time done, election not gonna go again. 1, 2, 3, 4,